you miss it. Ouais, donc c'est bien parce que Philippe a déjà mis en route le sujet, le texte que nous n'allons pas lire ce matin, puisque si j'ai bien compris, vous lisez en avance les textes. La semaine dernière, il vous a donc parlé de ce premier chapitre, enfin, il vous a fait un survol de l'évangile de Jean, il vous a parlé du premier chapitre où il y a ce Jésus un peu cosmique qui est présenté, ce Jésus éternel, ce Jésus qui a tout créé. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce Jésus, qui est le Dieu éternel, qui est esprit, qui n'est pas créé, l'Évangile nous raconte qu'il est entré dans le monde, il est entré dans le temps, il a pris un corps et il a partagé le sort de ses créatures. Et aujourd'hui, dans les chapitres 2 et 3, ce qu'on va un peu voir, c'est justement comment est-ce que Jésus a démarré cette partie temporelle, physique de sa vie. Puisque aujourd'hui, on va voir le premier miracle, effectivement, le premier de ces sept signes dont Philippe vous a parlé. Sept signes pour montrer que même s'il est venu dans sa création, il est Dieu. Alors évidemment, vous qui avez lu ces deux chapitres, vous vous dites bien, purée, ces deux chapitres, il est déjà 11h, et on n'est pas prêt de manger. Donc il y a énormément de choses. Il y a quatre épisodes, j'ai identifié. Ce que je vais essayer de faire ce matin, c'est pas d'en choisir un, d'appuyer sur un aspect, mais j'ai essayé de voir un peu quelle grande ligne ressortait dans l'ensemble, et puis de me concentrer sur deux fils conducteurs que j'ai vus, donc qui sont notés là. Changement et jugement, c'est des choses que j'ai vues un peu dans ces quatre épisodes. Changement et jugement qui sont en plus des choses qui sont liées au monde. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses dans ces deux chapitres, mais voilà. Alors je vais prendre les épisodes les uns après les autres et voir ce qu'ils nous apprennent sur ces notions de changement et jugement. Alors, l'eau changeait en vin. D'abord, l'eau changeait en vin, c'est pas la première fois dans la Bible que l'eau a été changée en quelque chose. Il y a quelqu'un déjà qui a pris de l'eau et qui l'a transformée en autre chose dans la Bible. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Qui a fait ça? Pas du vin, hein? En sang, oui. L'eau a été changée en sang par Moïse. Alors, on va juste lire ces quelques versets dans le livre de l'Exode. Commençons au chapitre 15, donc Dieu est en train de parler à Moïse et lui dit « Va vers le Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller puiser de l'eau, pour aller près de l'eau, pardon, et tu te porteras à sa rencontre au bord du Nil. Tu prendras à ta main le bâton qui a été changé en serpent et tu diras au Pharaon « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire « Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. » Et toi, jusqu'ici, tu n'as pas écouté. Ainsi parle l'Éternel. À ceci, tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Me voici. Je vais frapper l'eau du Nil avec le bâton qui est dans ma main, et elle sera changée en sang. Les poissons qui sont dans le Nil périront. Le Nil sera infecté. Et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire de l'eau du Nil. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, prends ton bâton et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur les bras de leur Nil, sur leurs étangs et sur toute pièce d'eau. Elles deviendront du sang, et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les récipients de bois et de pierre. Moïse et Aaron agirent ainsi que l'Éternel l'avait ordonné. Aaron leva le bâton et frappa l'eau qui était dans le Nil sous les yeux du Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et toute l'eau du Nil se changea en sang. Les poissons qui étaient dans l'eau du Nil périrent. Le Nil fut infecté. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du Nil et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant, par leurs pratiques occultes. Alors le cœur du Pharaon s'endurcit, et il n'écouta pas Moïse et Aaron, ainsi que l'avait dit l'Éternel. Le Pharaon s'en retourna pour aller dans son palais, et il ne prit même pas la chose à cœur. Pourquoi est-ce que ce miracle a eu lieu sous la main de Moïse? Et c'est dit au verset 17, hein. À ceci tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Et quel a été le résultat de ce miracle? On le lit la fin du verset 23. Et le pharaon ne prit même pas la chose à cœur. C'est triste. C'est aussi un signe comme les signes que Jésus a pratiqués dans l'évangile de Jean. À ceci, vous verrez que je suis Dieu. Il n'a pas dit comme ça, mais on sait qu'il y a cette idée. Mais alors, vous allez me dire, c'est un peu bizarre de mettre en relation ces deux miracles. Hein. Ce n'est pas du tout la même chose. L'eau changée en sang était infecte et elle apportait la mort. L'eau changée en vin par Jésus était excellente. C'était un très riche cadeau. Alors pour ceux qui ont lu le livre d'Alain Stamp, La preuve par 7, il fait un petit calcul et il estime à peu près à 10 000 euros le cadeau que Jésus vient de faire aux mariés avec ce vin. 10 000 euros. Vous avez déjà fait un cadeau de 10 000 euros à quelqu'un, vous, pour un mariage? Moi, pas. Et si on se replace dans le contexte de ce début de l'évangile de Jean, vous avez lu dans le premier chapitre, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc on voit qu'il y a quelque chose d'un peu vu négativement par Jean pour Moïse, et quelque chose de vu un peu plus positivement pour Jésus. Je caricature un peu, mais c'est un peu cette idée. Alors Moïse, en changeant l'eau en sang, c'est le côté loi, donc c'est le côté un peu dur dans le sens, voilà un avertissement. L'eau va être changée en sang. Alors que Jésus, c'est plus le côté grâce. Je vous fais un cadeau, alors venez. Malgré tout, j'ai quand même deux remarques à faire. Si on revient dans Jean au chapitre 2, du coup, quel a été le résultat de ce premier signe? Au verset 11, on lit, la fin du verset 11, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alors, première lecture, c'est chouette. Ses disciples ont cru en lui. Mais en réfléchissant bien, je me dis, mais combien ils étaient à cette noce? Jésus, à ce moment-là, si on lit l'évangile de Jean, on a l'impression qu'il a 6 disciples, puis il y avait sa mère qui était là, donc il y a peut-être 7 personnes qui ont cru en lui. Tous les gens de la noce, le marié, l'organisateur, ceux qui ont puisé l'eau, qui ont vu ce... Alors il y en a qui ont vu ce miracle de près, ils ont puisé l'eau, ils l'ont mis dans des jarres et c'est devenu du vin. Ils ont cru en lui ou pas? Ça, c'était la première remarque. Et la deuxième remarque, c'est que si vous avez l'habitude de lire la Bible, le vin a plusieurs significations. Le vin, c'est vrai, parle de joie et de bénédiction. Quand Dieu promet au peuple d'entrer dans le pays, il leur dit, entre autres, que c'est un pays où il y a du vin, vous aurez votre vin nouveau, etc. On voit même que le vin est utilisé dans le culte qui est rendu à Dieu. Il y a des libations de vin qui sont offertes. Mais aussi, quand Dieu annonce le jugement, parfois il parle de la coupe de la colère qui va venir, la coupe remplie de vin, qui rendra ivre les gens qui n'ont pas cru à Dieu. Donc il y a un peu ce double symbole dans le vin. La joie, la bénédiction, le culte, mais d'un autre côté, le jugement. Moi, j'ai toujours été étonné en lisant le récit de ce miracle. Comme Philippe le soulignait, pourquoi ce miracle? Est-ce que Jésus est juste un magicien? Jean a sélectionné que 7 miracles, et du coup, il y en a certains qu'il a écartés, et parmi ceux qu'il a écartés, moi, si j'avais été Jean, je le suis pas, hein, mais si j'avais été Jean, j'avoue que j'en aurais choisi d'autres. Hein. Quand je pense au paralytique qui a été porté à travers le toit, et qui ses péchés étaient... Moi, ça me parle plus, parce que ça parle du pardon des péchés. Là, il n'y a même pas d'explication. L'eau a été changée en vin, et puis on passe à autre chose. On n'explique même pas pourquoi Jésus fait ce signe. Non seulement Jean choisit ce signe pour en parler, mais en plus, il le place en premier. Et quelque chose placé en premier, souvent, ça a du sens. Parce que c'est un peu l'inauguration de tout ce qui vient à la suite. C'est un peu souvent le résumé de ce qui va venir après. Et si on comprend le début, en général, tout le reste, c'est clair. Bon, vous allez me dire, c'est le premier qu'il a fait dans l'ordre chronologique, ok? Mais malgré tout, il le place en premier. Alors, dans son contexte, on va le voir un peu plus avec les autres épisodes. comme je l'ai dit, un contexte de changement et de jugement. Moi, je vois quand même une notion de jugement dans ce miracle. Parce que Jésus arrive avec un cadeau immense, 10 000 euros. Mais à la fin, certains n'en profitent pas pleinement parce qu'ils se contentent de boire le vin et de se réjouir. Mais ils ne croient pas en lui. Il y a un tri qui commence à s'opérer déjà. Et je crois que c'est un résumé de tout le message de Jean, finalement. De l'évangile de Jean. Le Fils de Dieu est venu. Il a offert sa vie en sacrifice. Certains l'ont rejeté. Dieu lui-même s'est donné pour les humains. 10 000 euros par rapport, c'est rien. Hein. C'est un cadeau qu'on ne peut pas estimer. Et certains ont laissé de côté ce cadeau. Donc pour certains, Jésus sera le sauveur, ceux qui reçoivent ce cadeau. Mais ceux qui tournent le dos à ce cadeau, pour eux, Jésus sera le juge. Ça me fait poser une première question. Qu'est-ce que je fais des cadeaux de Jésus ? Philippe a dit dans son message la semaine dernière, la Bible parle beaucoup de croire. Et c'est l'évangile de Jean met l'accent sur le croire. Et c'est le croire qui fait qu'on accepte le cadeau. Mais le croire, c'est pas juste intellectuellement. Oui, c'est vrai, je crois que c'est vrai, ça s'est produit. Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité, il a changé le monde, même. Pas mal. Le croire dans la Bible, il l'a bien souligné, c'est placer sa confiance, c'est un engagement. Ça veut dire que la question c'est, est-ce qu'un jour vous avez répondu au Seigneur, une fois que vous avez compris tout ça, oui, je saisis ton cadeau et je te fais totalement confiance. C'est toi seul qui peux me faire entrer dans la présence de Dieu. Et c'est toi seul qui sais ce qui est bien et ce qui est mal, et qui sais ce que je dois faire de ma vie. Et c'est toi seul qui peux diriger ma vie. Alors, si on a répondu par cet engagement, oui. Dans ce cas-là, le vin que Jésus nous donne, c'est un vin de joie, un vin de bénédiction et un vin de culte. Mais sinon, il est temps de le faire, parce qu'un jour, ce vin qui est là, quand vous le boirez, il vous montrera la tête, vous rendra ivre et vous fera tomber. Parce que ce sera un vin de jugement. Puis on passe à un épisode suivant, dans ces chapitres, où on voit Jésus dans le temple. Et dans le temple, il retrousse les manches, il monte les muscles, et il met dehors les gens qui n'ont rien à y faire. Il prend un fouet quand même, il fait un fouet avec des cordes quand même, hein. Il renverse des tables, c'est pas le gentil Jésus aux sandales. Hein. C'est... Est-ce que vous avez déjà vu un autre endroit dans la Bible, un épisode comme ça, où le temple est nettoyé de manière musclée ? Ça vous dit quelque chose ? Pardon ? Phinéas. Ah ouais, d'accord, j'avais pas pensé à celui-là. Alors, c'est pas dans le temple, là, par contre. C'est dans la tente du personnage, je crois, hein, je suis pas sûr. Et un autre épisode ? Alors, c'est un peu compliqué, parce que apparemment, ça s'est pas produit de manière physique, mais c'était une vision. Alors, si je vous dis vision, peut-être ça vous met sur la voie. Ézéchiel, ouais. Vision, Ézéchiel, ok. C'était le bon indice. Alors, si vous voulez prendre dans Ézéchiel 8 et 9... Excusez-moi, c'est pas un passage tagué, mais il fait partie de la Bible, alors lisons-le. Donc, juste pour vous placer dans le contexte, Ézéchiel n'était pas du tout à Jérusalem, mais il a une vision, une main l'a saisie par les cheveux et l'a placée dans le temple. Et là, commence une visite guidée du temple qui est des plus instructives. Donc, c'est Ézéchiel qui parle, hein, il parle de Dieu. Il me dit, fils d'homme, lève les yeux du côté du nord. Je levais les yeux du côté du nord. Et voici cette idole de la jalousie au nord de la porte de l'autel, à l'entrée. Il me dit, fils d'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes horreurs que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire ? Mais tu verras encore d'autres grandes horreurs. Alors, il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais, et voici un trou dans le mur. Il me dit, « Fils d'homme, creuse le mur. » Je creusais le mur, et voici une ouverture. Il me dit, « Entre, et vois les méchantes horreurs qu'ils commettent ici. » J'entrais, je regardais, et voici toutes sortes de formes, de reptiles et de bêtes abominables. Et toutes les idoles de la maison d'Israël étaient gravées sur la muraille, tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Yahazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait un épais nuage d'encens. Il me dit, « Fils d'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, pleine de figurines ? Car ils disent, « L'Éternel ne nous voit point, l'Éternel a abandonné le pays. » Il me dit, « Tu verras encore d'autres grandes horreurs qu'ils commettent. » Il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du nord, et voici les femmes assises qui pleuraient Tammuz. Tammuz, c'était une divinité païenne. Il me dit, « Vois-tu, fils d'homme, tu verras encore d'autres horreurs, plus grandes que celles-là. » Il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'est. Et ils se prosternaient à l'est devant le soleil. Il me dit, « Vois-tu, fils d'homme, est-ce insuffisant pour la maison de Juda de commettre les horreurs qu'ils commettent ici ? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et ne cessent de mériter ? Voici qu'ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi j'agirai avec fureur, mon œil sera sans pitié, et je n'userai pas de ménagement. Quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. » On a l'impression, on a envie de dire, là, non, je t'ai plus, c'est bon, on a compris. Mais il y a la suite. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. « Approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument d'extermination à la main. » Et voici que 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure qui fait face au nord, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux, un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Il vint se placer près de l'autel de bronze. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les horreurs qui s'y commettent. » Et à mes oreilles, il dit aux autres, « Passez derrière lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'usez pas de ménagement. Tuez jusqu'à extermination, vieillards, jeunes hommes, vierges, enfants et femmes, mais laissez hors d'atteinte quiconque aura sur lui la marque. » Et commencez par mon sanctuaire. Commencez par mon sanctuaire, je le relis. Hein. Ils commencèrent par les hommes, ces anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, souillez la maison et remplissez les parvis de cadavres, sortez. Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient et que je restais encore, je tombais la face contre terre et je m'écriais, ah Seigneur éternel, extermineras-tu tout le reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Il me répondit, la faute de la maison d'Israël et de Juda est très, très grande. Le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine de perversions, car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Moi aussi, je serai sans pitié, et je n'userai pas de ménagement. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Et voici que l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture fit son rapport. J'ai fait ce que tu m'as ordonné. Alors, dans le récit d'Ézéchiel, c'est évidemment une idolâtrie grossière qui est jugée et extirpée du temple. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a à reprocher pour faire quelque chose un peu dans la même veine, même si ça paraît moins radical ? Le reproche qu'il fait, on le lit dans Jean 2, au verset 16. « Ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Il est en train de reprocher à ces gens d'utiliser le temple pour un trafic et de leur péché à eux. Alors on ne dira pas que c'est de l'idolâtrie, ce sera plus l'amour de l'argent, la cupidité. Alors, cupidité, juste, je vous lis juste un verset dans Colossiens, ne le cherchez pas parce que c'est quelques mots. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité qui est une idolâtrie. En fait, Jésus, il s'adresse encore à des idolâtres. Ils n'ont pas fait des statues, ils ne sont pas en train d'adorer le soleil, mais ils sont en train de se livrer à un petit marché dans le temple très lucratif. Ils utilisent les gens qui viennent à Jérusalem pour adorer et qui sont obligés de passer par leur intermédiaire parce qu'ils devaient vendre leurs animaux pour utiliser la monnaie qui était utilisée dans le temple, pas la monnaie des Romains. Enfin bref, les gens qui venaient adorer étaient obligés de passer par eux. Et eux, ils en profitaient. C'était des gens cupides et ils utilisaient le temple pour satisfaire leur cupidité. C'était des idolâtres. Alors bien sûr, si on continue le texte, vous savez que les responsables du temple ont été très étonnés de la manière d'agir de Jésus. Hein. Et qu'est-ce qu'ils ont demandé à Jésus ? Quel signe nous montres-tu ? Encore un signe, le signe, c'est important. Et Jésus, là, il ne va pas se dire « Ah, c'est le moment du deuxième signe, j'ai déjà fait les noces de Cana. » Non. Jésus leur annonce un signe qui ne fait pas partie des sept. C'est peut-être le signe en plus, le signe numéro zéro ou le signe extra. Il ne fait pas partie des sept parce que c'est le signe par excellence. C'est le signe de sa mort et de sa résurrection. Et qu'est-ce qui montre ce signe ? Alors, les gens auraient pu se dire à Cana, ben, c'était un magicien. Quand il a ressuscité Lazare, ils auraient pu dire, c'était un bon médecin. Mais quand Jésus meurt et ressuscite, une seule réponse est possible. Jésus est Dieu. Avec le signe en plus, Jésus est Dieu. Et en leur disant, ben, puisque je suis Dieu, cette purification du temple, j'ai le droit de la faire. Comme dans Ézéchiel, c'est Dieu lui-même qui a pratiqué cette purification du temple, moi qui suis Dieu, qui viens visiter ce temple, j'ai le droit de le purifier. Alors, du coup, nous, si on veut, hein, on a l'habitude de chercher la mise en pratique dans la Bible, et je crois que c'est une bonne chose, hein, parce que c'est ce qu'elle nous demande. Comment est-ce qu'on met en pratique ? Parce que le temple, même si on était juif, le temple est détruit. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire avec ça ? Alors, gardez juste une main dans Jean, et puis, si vous voulez sauter dans 1 Corinthiens, au chapitre 3, et au verset 16. Il y a l'apôtre Paul qui est en train d'essayer de régler des problèmes d'unité dans l'église de Corinthe et leur dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ou que l'Esprit de Dieu habite en vous ? En tant qu'assemblée locale, nous sommes le temple de Dieu. » Et toujours dans 1 Corinthiens, quelques chapitres plus loin, chapitre 6, verset 19, là, il est en train d'essayer de régler des problèmes d'immoralité sexuelle dans l'Église, et il leur dit « Ne savez-vous pas ceci ? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et vous n'êtes plus à vous-même. » On n'a plus de temple physique pour nous qui appartenons à Christ, mais la notion de temple reste présente dans notre vie. Nous tous, en tant qu'assemblée, nous sommes un temple. Et même nous-mêmes, en tant que chrétiens, notre corps est un temple, notre personne est un temple, parce que Dieu y habite. Alors, t'as des bonnes ondes. Du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que le temple que notre temple d'aujourd'hui, est-ce que nous le détournons de l'usage qui est le sien ? Est-ce que nous y faisons quelque chose qui ne doit pas se faire dans le temple, parce que le temple est réservé pour le culte de Dieu ? Est-ce que nos assemblées, alors, est-ce que quand on se réunit, alors peut-être pas forcément seulement quand on est tous réunis toute l'Église, mais même quand on se voit entre quelques chrétiens, est-ce qu'on est là pour rendre un culte à Dieu ou pour autre chose ? Est-ce que, quand on se rencontre avec d'autres chrétiens, est-ce que c'est des occasions de glorifier Dieu, ou est-ce que c'est des occasions de querelle, de jalousie, de médisance, de clan, de parti pris, pour ne citer que quelques problèmes qui peuvent se rencontrer dans des groupes, hein. Et nous-mêmes, qui sommes un temple, nous personnellement, est-ce que notre vie est un culte rendu à Dieu, ou est-ce que c'est un culte rendu à nous-mêmes, dont la liturgie, ce serait, ben, je cherche à assouvir tous mes désirs et je cherche tout ce qui peut me faire plaisir, tout en restant, bien sûr, dans ce qui est déclaré comme moral par la parole de Dieu, hein. Est-ce que moi-même, dans ma vie, ma relation avec Dieu, c'est d'utiliser Dieu pour arriver à mes propres fins? Ça aussi, c'est un culte idolâtre. Parce que c'est le culte de moi au lieu du culte de Dieu. Voilà, c'est des questions qui me surgissent quand je lis ce récit. Parce que, évidemment, je ne peux pas m'identifier à cet épisode autrement. Le temple que j'ai aujourd'hui, ben, il est là, et puis il est là. Et si Jésus venait maintenant, est-ce qu'il prendrait des cordes pour faire un petit peu de ménage, là? Le Seigneur a autorité pour purifier son temple parce qu'il est Dieu. Il l'a montré par sa mort et sa résurrection. Alors, j'estime ça comme un privilège, d'une part, parce que je me dis, ce que Dieu a comme projet pour l'Église et ce que Dieu a comme projet pour moi, c'est un bon projet. C'est un projet qui est une vie, là, et que cette vie, elle rend un culte à Dieu. Et quoi de mieux qu'une vie qui glorifie Dieu? C'est un privilège parce que ben, Jésus a encore de l'espoir. C'est qu'il peut encore changer les choses. Il peut encore améliorer les choses. Il peut faire qu'on soit plus proche de Dieu, qu'on soit capable de rendre Dieu plus heureux par notre manière de nous rencontrer, par notre manière de vivre personnellement. C'est un privilège, mais c'est aussi un avertissement. Parce que si on détourne tout ça de son but, c'est possible qu'un jour, Jésus vienne et qu'il retrousse les manches et que ça fasse mal. Alors nous avons intérêt à peut-être faire de la prévention et de veiller sur nos temples, notre église, nous, pour que Jésus n'ait pas besoin de venir faire ça. Le troisième épisode, une discussion entre Jésus et Nicodème. Et donc Philippe a montré quelques images. C'est vrai que le pauvre Nicodème, il a eu du mal à suivre Jésus. Hein, parce que Jésus, il avait toujours un cran d'avance, forcément. Jésus, il avait déjà tout le plan en vue. Hein. Nicodème, bon. Et il y a quelque chose d'un peu étonnant qui donne lieu souvent à des mauvaises compréhensions dans ce chapitre, c'est quand Jésus dit « il faut naître d'eau et d'esprit ». Alors, évidemment, quand on veut faire découvrir la Bible à des gens qui ne connaissent pas Dieu, on est presque obligé de lire ce passage. Et quand on lit ce passage, là, il y a une tarte à la crème qui peut arriver, hein, c'est « Ah, naître d'eau et d'esprit, ouais, il faut le baptême. Non, il ne parle pas vraiment du baptême, là, Jésus. Et comment expliquer ça? J'aimerais bien passer directement au verset 16, « Dieu a tant aimé le monde, ce serait plus simple, mais il y a ça qu'il faut expliquer. » Alors, il y a un autre moment, je suis désolé à chaque fois que je vous posais la question, hein. Il y a un autre moment dans la Bible où Dieu parle d'eau et d'esprit en relation avec un nouveau départ. Jérémie. Peut-être. Mais je ne suis pas sûr que ce soit celui-là. Eau, esprit, nouveau départ. C'est dans l'Ancien Testament, je vous aide, hein, parce que justement, au verset 10, Jésus répond à Nicodème, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas cela. T'es un pharisien, tu connais l'Ancien Testament par cœur, je te parle d'eau et d'esprit, et ça fait pas titre. Qu'est-ce qui se passe là? Oh, t'as oublié tes classiques? Non, c'est Nicodème. Hein, c'est... Alors, si vous voulez prendre dans Ézéchiel, au chapitre 36, un merveilleux passage. À partir du verset 26. Alors, une promesse de Dieu. Dieu parle. Chapitre 36, à partir du verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Ouais, je voulais commencer plus haut, en fait. J'ai fait une petite faute de frappe. Bon, je vais... Ouais. Effectivement, je saute l'esprit si je commence là. Alors, à partir du verset 22, pardon. Chapitre 36, verset 22. Eh bien, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes rendus. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, ce nom que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel, oracle du Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tout le pays et je vous ramènerai sur votre territoire. Écoutez bien. Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Peut-être ça vous rappelle la nouvelle naissance dont Jésus parle à Nicodème. Hein. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit, je répète, je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères et vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous sauverai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs afin que vous ne subissiez plus le déshonneur de la famine parmi les nations. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous ne pourrez plus vous regarder en face à cause de vos fautes et de vos horreurs. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte. Tu parles, avec toutes les horreurs qu'on a fait, c'est certainement pas qu'on le mérite, hein. C'est bien ce qu'il dit là. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte. Oracle du Seigneur, l'Éternel. Reconnaissez-le. Ayez honte et soyez confus de votre conduite, maison d'Israël. Si j'essaie de résumer ce passage en quelques mots, Ézéchiel a prophétisé qu'un jour, Dieu lui-même changerait le cœur des pécheurs en le purifiant de tout son péché pour en faire un cœur capable de l'aimer et de l'obéir. L'eau pour purifier les péchés, l'esprit pour diriger la nouvelle vie qui commence. Nicodème n'a pas percuté tout de suite. Pourtant, Jésus a été assez pédagogique, il y allait petit à petit. Et il lui a donné quand même deux clés en lui disant « Fais bien attention à ça, ça c'est très important ». Si vous lisez ce passage, il y a deux fois où Jésus dit « il faut ». Quand Jésus dit « il faut écouter ». Et je vais commencer par le deuxième parce que c'est peut-être le plus facile pour nous. C'est au verset 14. Il faut la croix. Et, verset 14. « Et comme Moïse éleva le serpent dans les déserts, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé ». Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, cet épisode du serpent dans le désert. Est-ce qu'il y a besoin de... Je vais peut-être faire un résumé quand même. Le peuple a murmuré contre Dieu dans le désert, encore une fois. Et encore une fois, Dieu a dû punir. Et cette punition, c'était que Dieu a envoyé des serpents qui piquaient les Israélites. Et les Israélites mouraient de cette piqûre. Alors, Dieu a donné une solution à Moïse. Et cette solution, c'était un peu bizarre, mais bon, acceptons-la telle qu'elle est. Fais un serpent en bronze, en airain, mets-le sur une perche, et quand les gens seront piqués par le serpent, il suffit qu'ils regardent le serpent que tu auras sculpté pour qu'il soit sauvé. Et ceux qui regardaient, donc Moïse l'a fait, et ceux qui regardaient le serpent étaient sauvés. Sous-entendu, ceux qui ne regardaient pas. Et Jésus, il met en parallèle son œuvre sur la croix avec ce passage. Alors, essayons de le mettre en parallèle. Ce qui a piqué l'humanité, qui l'a fait mourir, c'est son péché. Nous sommes pécheurs et nous sommes condamnés. Quand je dis nous, c'est l'humanité dans son entier. Hein. Et il fallait que alors le serpent soit élevé, que le péché soit élevé. Le péché soit élevé. Bah oui, quand Jésus est monté sur la croix, il y a un passage qui nous dit qu'il a porté nos péchés sur lui. Le péché de l'humanité a été dressé sur cette croix. Et chaque humain est appelé à regarder ce péché monté sur la croix pour être sauvé. Et regarder, c'est croire. Parce que ça paraît stupide. Si je regarde juste un serpent, et je vais, c'est pas de la médecine, ça, c'est de la superstition. Non, c'est pas de la superstition. Dieu a fait une promesse. Si j'y crois, et que j'y crois, c'est-à-dire je place ma confiance dedans, je m'engage dans cette foi, si je crois ça, Dieu va tenir sa promesse et il va me sauver. Et là, c'est pareil. Si je place ma foi que ce Jésus sur la croix porte mon péché et permet que je sois sauvé, si je m'engage dans cette foi, Dieu va tenir sa promesse et il va me sauver. Par contre, si je ne le fais pas, c'est le jugement qui reste. Et toujours ces deux choses, le changement de cœur proposé et un jugement derrière. Parce que ceux qui n'auront pas le cœur changé, qui n'auront pas laissé Dieu changer leur cœur, il ne leur reste que le jugement. C'est là qu'il y a... Alors j'ai dit que ce deuxième il faut était plus facile parce que nous on n'a rien fait. Hein. Tout ce qu'on a vu c'est Jésus monté sur la croix, porter nos péchés. C'est lui qui a tout fait, il a tout porté. Hein. Mais il y a un autre il faut quelques versets plus haut, au verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau parce que... Pourquoi ? Regardez ça. La nouvelle naissance c'est quoi ? C'est la purification par l'eau. C'est pour ça qu'il y a le deuxième il faut, parce que sans la crucifixion de Jésus, il n'y a pas cette purification. Hein. Et Dieu qui place son esprit en nous. Et si Dieu fait tout, il attend quand même une réponse de notre part. Parce que ce n'est pas pour tout le monde, visiblement. C'est offert à tout le monde, mais tout le monde ne le saisit pas. Tout le monde ne place pas sa foi en Jésus. Tout le monde ne dit pas à Jésus, ok, tu as payé ma place, je l'accepte. Mais il y a quelque chose d'autre là-dedans, c'est la repentance. Tout le monde ne dit pas, c'est vrai, ma vie jusqu'ici, je l'ai menée par moi-même, et c'était une horreur devant Dieu. Et j'ai besoin maintenant d'abandonner ma vie entre les mains de Dieu, et que ce soit lui qui la dirige, qui place son esprit en moi, et qu'à partir de maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Il ne suffit pas de demander pardon pour avoir genre un coup de blanc sur notre péché. Non, c'est accepter que ce péché est une horreur, et que... Seulement, il faut qu'il soit effacé, mais qu'à partir de maintenant, je laisse l'esprit diriger ma vie. Et chaque jour que je vis, où je vois ça encore, j'ai péché, j'ai pas laissé Dieu diriger ma vie. Il faut revenir à la croix et demander à Dieu, pardonne encore ce péché et continue à me diriger. Parce que si je ne crois pas que mon péché me conduit à la perdition, je ne vais même pas demander d'être sauvé, parce que je ne vais même pas comprendre ce que c'est que cette réalité de la perdition. Donc encore un changement qui aboutit à un jugement. Votre cœur a-t-il été changé par lui, par Dieu ? Alors, sinon, il y a encore temps de le faire, mais un jour il ne sera plus temps de le faire. Mais si oui, ça veut dire que vous avez compris ce à quoi vous avez échappé. Et vous avez autour de vous toute votre famille peut-être, ou tout votre village, tous vos collègues de travail qui, eux, ils n'ont peut-être même pas entendu parler de ça. Ils n'ont même pas eu l'occasion peut-être de saisir cette offre de pardon et de changement de vie. Parlez-en. Dernier épisode. C'est un peu la fin du témoignage de Jean-Baptiste dans l'évangile de Jean. Moi, je l'ai appelé « Dieu change les moyens de communication ». Je ne sais pas si c'est parce que je vis au XXIe siècle et du coup, je suis obsédé par les moyens de communication, je ne sais pas. Alors, question habituelle. À quel autre moment dans la Bible, Dieu... Alors, celle-là, elle est facile, normalement. Dieu dit que les prophètes cèdent la place au Fils. son to take over. We have there John the Baptist saying, who did this? Where else in the Bible are the prophets? À quel autre... Alors, c'est pas dans l'Ancien Testament cette fois. Pardon ? Non. Oui, ah oui, ça marche aussi, oui. D'accord. Celle-là, je l'accepte. C'est pas celle-là que je pensais. Ah oui, justement, c'est ce passage qu'on va regarder aujourd'hui où il dit bah, il faut que je croie, c'est qu'il diminue, etc. Après avoir. De nombreuses occasions, il y a plusieurs reprises, parler. C'est dans Hébreux au chapitre 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Ça vous rappelle ce que vous avez étudié la semaine dernière, je pense. Hein. Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts. Ensuite, il parle des anges, mais je vais m'arrêter là. Dieu a envoyé les prophètes. À quoi servaient les prophètes ? Les prophètes ont eu un certain prestige. Hein. On lit un moment dans l'Évangile, vous êtes en train de construire des beaux tambours aux prophètes, et puis quand on lit les livres des prophètes, c'est avec beaucoup de vénération dans le culte juif. Et on parle des prophètes comme... Ah, nos pères ont tué les prophètes, mais bon, nous on va faire différemment. Jean-Baptiste, il a eu un certain prestige. Alors, certes, tout le monde n'a pas accepté à son époque, mais ça c'est le propre des prophètes. Hein. Mais malgré tout, c'est écrit à un moment, tout Israël venait se faire baptiser. C'est-à-dire qu'il devait y avoir des foules nombreuses qui venaient le voir. Jean-Baptiste, c'était quelqu'un de connu. Cet Olibrius qui s'habillait en bois de jameau, il a eu du succès, incroyable. Mais eux, ils s'en moquaient tous de ce prestige. Et c'est ce qu'on voit dans ce passage de Jean 3, où Jean-Baptiste, bah justement, il s'efface. Hein. Il faut qu'il croie, c'est que je diminue. Et ça, c'est je crois que c'est un peu, ça devrait être un peu le slogan de tous les prophètes. Hein. Il faut qu'il croie, c'est que je diminue. Écoutez ce que je dis, mais pas pour moi, pas parce que moi je suis quelqu'un de bien, qui suis proche de Dieu et qui... Non. Parce que j'ai un message à vous annoncer qui vous dirige vers celui qui doit être écouté, celui qui doit être rencontré. Et Jean-Baptiste dit à ses disciples, à la fin, il parle encore de jugement. Verset 51 du chapitre 3. En vérité, je vous le dis, je ne suis pas dans le bon chapitre. Jean 3, chapitre, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Vous pouvez m'écouter, vous pouvez être proche de moi, écouter mon enseignement, vous faire baptiser par moi, mais si ça ne vous mène pas au but que Dieu m'a fixé pour vous, ça ne vous sert à rien. Un prophète ne vous sert à rien s'il ne vous emmène pas au bon endroit. Ce que Dieu veut par-dessus tout, c'est que les hommes croient au Fils de Dieu. Toute la Bible est centrée sur Jésus-Christ. Si vous lisez la loi, honnêtement, vous arrivez à la fin et vous pleurez. Parce que vous vous rendez compte que l'exigence de la loi est trop grande pour vous. Vous êtes incapable de faire ce que Dieu vous demande. Sans arrêt, vous vous détournez parce que dans votre cœur, il y a quelque chose qui vous pousse à autre chose. Et vous avez beau mettre toutes vos forces dans la bataille, vous même vous imposez des contraintes physiques pour ne pas commettre les péchés qui sont dans la loi, vous tombez sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. À la fin de la lecture de la loi, vous dites « J'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin d'aide. » Les prophètes ont été écrits pour nous diriger vers Christ, parce qu'ils n'arrêtent pas d'annoncer l'intervention de Dieu. Aujourd'hui, c'est la débâcle. Aujourd'hui, rien ne va. Le royaume est en train de s'écrouler. Les prêtres ne font plus du tout ce qu'ils devraient. Nous sommes envahis, il y a la famine. On parle dans le désert, on ne nous écoute pas. C'est ce que les prophètes disent, ils disent, mais un jour, un jour. Et ce jour, c'est le jour de Jésus. Le Nouveau Testament a été écrit dans ce sens. Pas pour qu'on se dise Paul, quel type de gars. Il a parcouru le bassin méditerranéen. Il a vécu des naufrages. Oui, c'est un modèle. Mais Paul ne voulait surtout pas qu'on porte l'attention sur lui. Tout le message de Paul, c'est il y a quelqu'un qui est venu. Ça y est. Ce que les prophètes annonçaient, c'est arrivé. Jésus-Christ est venu. C'est lui que vous devez adorer. C'est lui que vous devez regarder. Imaginez le malheur. Lire la loi. Lire les prophètes. Lire le Nouveau Testament. Et se dire, quel beau livre. Quel beau message. Si tout le monde faisait ça, qu'est-ce que le monde serait meilleur? Et passer à côté du Christ. Quelle horreur! Élargissons un peu. Si quelqu'un annonce Christ de nos jours, imaginez, vous parlez à quelqu'un de Christ, et cette personne elle se dit, ce type a quelque chose de différent. Il y a quelque chose en lui qui fait que, même passer du temps avec lui, il a un caractère, il y a quelque chose qui se dégage de lui, et j'ai envie de passer du temps avec lui. Et puis ce dont il parle, c'est tellement beau. C'est tellement beau, un Dieu qui aime, et tout ça. Et imaginez, vous parlez de quelqu'un à Christ, et il vous aime comme ça. Et vous allez être triste, parce que vous avez parlé du Christ, et il s'est attaché à vous, au lieu de s'attacher au Seigneur. Seul le Christ peut le sauver, hein. Vous, vous ne pouvez pas, tout ce que vous pouvez faire, c'est annoncer. Nous, on a un message à transmettre et on va faire bien attention parce que nous avons un témoignage dans notre manière de vivre. Et les gens vont peut-être nous trouver aimables parce que Christ a placé son caractère, est en train de forger son caractère en nous. Et ils vont venir, effectivement, comme Philippe disait tout à l'heure, ils vont rentrer et ils vont dire « Oh, ces gens qui s'aiment, c'est incroyable !» Mais il ne faut pas qu'ils s'arrêtent là, il faut qu'ils comprennent où est la source de tout ça. Parce qu'ils ne vont pas jusqu'à la source, tout ce qu'ils font, c'est se faire un bon copain ou se faire un bon groupe de copains. Mais ces copains, ils les perdront à la mort. Ils ne les retrouveront pas au ciel. Aimer la Bible, même en gros, ça ne sauve pas. Aimer un évangéliste, ou aimer quelqu'un qui témoigne, je dis évangéliste pas dans le sens du ministère, mais dans le sens quelqu'un qui parle du Christ, même imiter quelqu'un qui parle du Christ, ça ne suffit pas. Le jugement ne nous épargne que si nous nous confions dans le Fils, dont la Bible parle, et dont la personne qui témoigne parle. Bon, chaque épisode, je vais essayer de résumer un petit peu. Au lot changé en vin, j'en tire l'idée. Il y a un cadeau qui est fait. Si on le refuse, on va au jugement. Nous avons des temples aujourd'hui, notre corps, notre assemblée. Si on détourne ces temples de leur usage, prenons garde que Jésus ne vienne pas pour faire le ménage. Dieu change le cœur des hommes, mais il le fait pour ceux qui se repentent et qui ont la foi. Pour les autres, le jugement reste. Et Dieu a utilisé plusieurs moyens de communication, mais un jour il a envoyé son Fils. Et si on ne va pas vers ce Fils, on n'a rien. C'est le jugement qui reste. Changement et jugement, ce sont deux mots qui, moi, me rappellent que c'est le Fils qui dirige. Il change ce qu'il veut, et ceux qui ne veulent pas suivre seront jugés, et ce sera juste. C'est le Fils qui a des projets. C'est le Fils qui sait où il va et c'est le Fils qui aura le dernier mot. Ma part à moi, ce n'est pas de discuter les changements. Ni de reprocher au Seigneur, « Ouais, mais bon, regarde ton changement, ok, tu l'as fait, mais c'est un peu rude. Faut pas t'étonner que les gens t'ont pas suivi. » Non. Ma part n'est pas de reprocher au Seigneur de juger ceux qui n'ont pas suivi ce changement. Si nous avons compris qui est le Fils dont parle le chapitre 1, ce Fils éternel, créateur, ce Fils qui est l'empreinte même de Dieu, alors on ne peut que saluer respectueusement ce Fils qui change ce qu'il veut, qui dirige les choses comme il veut, et qui, en conséquence de notre réaction à ce jugement, à ce changement, nous juge. Sachant que la justice réside en lui. La justice n'est pas quelque chose d'extérieur que Jésus pratiquerait, c'est lui la justice. C'est lui qui a la sagesse, c'est lui qui a la connaissance. Faisons-lui confiance. Ces changements sont ce qu'il faut faire. En plus, il nous aime. Alors ces changements, ce n'est pas pour nous maltraiter. Il change tout. C'est un peu étonnant, mais parce que lui, il est le seul à ne pas changer. Il est le Dieu immuable. Lui est le seul à ne pas changer, donc c'est normal que le reste change autour de lui. Nos cœurs, il y a besoin. Notre société, notre histoire religieuse, donc c'est normal qu'il change de manière de communiquer. Il juge tout parce que la justice réside en lui-même. Et donc il est la référence. Et il peut dire de toute chose, ça c'est bien, ça c'est mal, et la conséquence de ce bien et de ce mal, c'est ça. Alors, du coup, c'est un appel à adorer ce Fils, et à nous abandonner entre ses mains. Seigneur, tu peux faire tout ce que tu veux, change ce que tu veux, détruis ce que tu veux, construis ce que tu veux, réoriente ce que tu veux. Fais-le, je te fais confiance. Et en plus, il va nous faire échapper au jugement, et ça, c'est incroyable. Amen. Seigneur Jésus, merci parce que c'est vrai, on aime s'habituer à des choses, on aime placer notre confiance dans des choses dont on est sûr, des choses on pense qu'ils ne vont pas bouger, des choses qu'on peut contrôler. Mais ce sont des choses qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui ne réfléchissent pas et qui ne peuvent pas nous sauver. Toi seul, tu peux nous sauver. Toi seul, tu connais ce dont on a besoin. Toi seul, tu nous aimes. Donne-nous de placer notre confiance en toi. On ne peut pas te contrôler, Seigneur. C'est toi qui contrôles toute chose. Fais-nous accepter ça et à te faire confiance. Et accepter avec reconnaissance tout ce qui viendra de ta main. Amen.